violence. L'humanité, tu es dans l'œuf. L'égalité entre mes meufs, c'est le 69. Libre comme l'air sorti d'une tèche. J'baisse ta mère, j'laisse mon meuf perdre sur son blush. Numéro 1, je le redeviens, je ne m'arrête pas. Jamais. Elle fait que me sucer, je crois que mon gland disparaîtra. T'es une bitch, viens sur la caisse. J'te crache dessus, délit faciès. On se croise, fais comme ton wesh, ouais, pas en flèche. Comme ce Dems noir, c'est Bruxelles, vie, pas le Bronx, ni Bolio West. Ça a beaucoup, mais ça ne sort pas du tien. J'te mets dans le cul, t'as le bas qui blesse. T'es avant du police, t'achètes noir. Deg noir, def sale, nègre prend la weed. Défoncé dans le Jackson, nègre fume la weed. Deg noir, def sale, nègre prend la weed. Défoncé dans le Jackson, nègre fume la weed. Prend la weed, def noir sale, nègre fume la weed. Fume la weed, def noir sale, nègre fume la weed. Fume la weed, def noir sale, nègre fume la weed. Fume la weed, def noir sale, nègre fume la weed. J'tire sur mon manche, pis sur le linge, coco le con, zone arrosa, millions d'euros. J'étale mon bif sans un gant et moi. Traîner le beurre sous l'épiderme. Kilo de coca dans comme un citerne. J'm'invente une vie, j'm'invente une mort. Crevé par fils de putain, mauvais terme. Remise en question, mais sans réponse. Et j'rappe des roses, mes vies dans les ronces. J't'ai fait du mal en te faisant du bien. J'ai touché ton âme en touchant des seins. Hashtag tout se passe comme prévu. Mais on sait que t'as un prévu du tout. J'suis sur la scène ou dans les zoos. J'suis dans la tienne ou dans les autres. Thug noir, def sale, nègre prend la win. Défoncé dans le Jackson, nègre fume la win. Thug noir, def sale, nègre prend la win.